enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Attention. Le matin, quand tu te réveilles, puis t'as pris un coup la veille, quel calvaire. Tu finis ton fond de bouteille, tu fermes les bégots de la veille. Tu fermes? Ah oui. Moi, là, je ferme les bégots parce que pendant toute la nuit, j'ai fait de la chirurgie d'un jour. Me prends, j'ai 21, je sais pas vos cartes, ça c'est mon ancien métier, je collais, pas juste L'Oréal, ouais. Les petites pitounes des jeux de bingo, c'est moi ça. Oh. Et puis ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu dis les mégots de la veille? Ouais, mais moi je les ouvre parce que je me pratique pour être médecin sans avoir étudié dans ce milieu-là. Hey, non, mais hey! Écoute-moi bien, toi. Bonjour, public. Écoute-moi, non, le dissipé, écoute-moi bien, toi. Quand tu regardes quand t'écoutes, tu regardes des chanteurs, des chanteuses, des créateurs, des peintres. Même les philosophes de fin de semaine, là, ça va commencer dans quelques minutes. Là, hein, ils vont philosopher. Moi, je vais te raconter, petit gars, que tu vas tomber ici, je suis pas là. Puis le plaisir de l'un, là, ben, c'est de voir l'autre, ça me casse le cou. C'est comme ça, le cou. Et, tu sais, on regarde ces gens-là nous raconter leur vie comme si ça nous intéressait de savoir comment Rita Bibelot est devenue actrice. Parce que c'est une comédienne, tu sais, on l'a ou on l'a pas. Puis vous savez, dans les années 40-50, là, tout le monde nous amène ça dans le tympan. J'ai appris ça sur le tas, moi. J'ai appris ça sur le tas. Ça fumait, là, en haut de la... au zénith avant même d'y arriver. Je passais en dessous du tas, puis je remontais vers le haut, moi. Oh, j'ai appris ça sur le tas, moi. Mais c'est dans ce cas... Dans ce cas-là, si toi, t'es devenu chanteuse sur le tas... Moi, devenir médecin sur le tas. Ça veut dire que j'écoute des émissions, là, MC House, MC Hammer. C'est du rap, ça? C'est Dr. Ross. Dr. Ross, toi, t'es un méchant médecin. Il y en a même qui des étudiants en médecine qui, eux, veulent pas prendre ça sur le tas. Ils veulent rien savoir du tas. C'est même qui font pas confiance aux aînés quand ils regardent le CEP et disent « Hey, gars, moi, petit gars, moi, là. Moi, petit gars, va t'apprendre ça. J'ai 77 ans, moi, là. 77. J'en ai vu des ciels tomber, puis des soleils se lever, moi, des lunes bourrées, puis... ta belle-mère qui tombait sur le tas, elle aussi. Ah, j'ai vu ça. Les horreurs de draguère, mais... ou du daguerreotype. Connais-tu ça, daguerreotype, toi? Essaye de te faire prendre en photo par daguerreotype. Et il va flasher sur toi. Oh là là là là là là. Si t'as pas de connaissance, il n'y a pas d'humour là-dedans. Là. Et ça ne s'apprend pas sur le tas, ça. Non. Dans le tas de livres que tu te cueilles. Parce qu'il faut se recueillir dans la création. On peut faire ça aussi n'importe comment, comme un chien qui court après sa queue, ou un Reynald qui cherche la sienne. Non, mais dans le sens de direction boussole, là, la queue directrice, pas la queue progénitrice. Alors, nous, on... voyons donc, oui. Le matin, quand tu te réveilles, puis que t'as pris un coup la veille, quel calvaire. T'aurais le goût d'une cigarette, mais t'as rien que des allumettes. Quel calvaire. Tu finis ton fond de bouteille. Y a-tu de la caraquette? On va mettre l'ambiance là. Attention, on y va. C'est le fond de la bouteille. Tu finis ton fond de bouteille. Tu fumes les mégots de la veille. Aïe. Quel calvaire. En fermant ta tape à cassette. Ah oui, le tape à cassette. Certains connaissent pas ça, le tape à cassette. Ou le ruban cassette. 4 tracks, 8 tracks, pas de track. Moins il y a de la track, moins il y a de musique. Puis plus il y a de la track. La track, c'est pas compliqué. Là, c'est pas les chemins de fer, ça, là. C'est les têtes. Les poules pas de tête ont pas de. Ont pas de track. Ah non. Ils détraquent souvent. Avez-vous vu ça, des poules pas de tête? C'est tout à fait détraqué. Ah! Monsieur! Ils ont pas ça sur le tas eux-mêmes! Quand on dit tu perds la tête, là, oh, en cours, c'est très bon. Ça, tu peux tuer n'importe qui. Tu dis, ah, mais j'ai eu un moment d'évasion. Pas juste dans ma tête, là, partout sur mon corps. Et quand j'ai vu clair, j'avais un couteau, du sang, puis je riais. J'ai enfin été morte. Oui, enfin t'es morte. Enfin t'es morte. Mais je me suis rendu compte que si ma poupée gonflable, j'avais payé 350$ sur eBay. Elle m'avait dit la facture était haute parce que moi j'en transperce souvent. Je deviens violent avec ces affaires là, c'est gonflable là. Puis ça se dit comme une vraie personne, pas une vraie personne ça là. Hey! Là, pour que ce soit moins synthétique, là, plus réaliste, plus naturel, faut que tu payes. Quel calvaire, en fermant tes mains cassettes, tu mets le pied dans le plat de crevettes. Savez-vous que je suis moins, là, le plat de crevettes, m'a vous expliquer. Je suis allergique aux crevettes, et ça, c'est, j'aimerais bien ça en faire une belle blague, là, une belle blague graisseuse, là, tu sais, c'est l'histoire de la patate frite. La patate frite a glissé, puis elle s'est cassée, là. Hein? Elle s'est cassée quoi? Elle s'est cassée la patate. Non, ça, j'ai appris. Non, je n'ai pas appris ça sur le tout, ça. En fermant tes pâques-cassettes. On peut en manquer des blagues, là. Hein? C'est de l'impro, ça, là. En fermant tes pâques-cassettes, tu mets pieds dans le plâtre. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est quand je lis, moi, je suis un libérateur verbomoteur. Je libère, je sais pas quoi, là, mais je libère des mots. Des mots avec sens ou pas de sens. C'est pas important. C'est pas important, puis c'est pas n'importe quoi. Ah oui, le n'importe quoi, c'est bien ça. J'aime ça me rappeler ça, là. M'a t'expliqué. Cette semaine, je parlais à une petite fille. Je dis, ah, t'es débile, parce que la mère était là, bien sûr. Je fais pas des petites filles, moi, s'il y a personne, là. En fait, c'est pour amener la mère à dire, oh, quel homme intéressant! Il flash sur l'enfant. Ben oui, je flash pas sur l'enfant, je flash sur la mère, là. Hey, wow, j'ai gagné moi ça, là. Il y a quelque chose à faire, là. Et puis là, j'explique, et je dis à la petite fille, oh, t'as débile. Parce qu'on m'a relater l'histoire que dans mon entreprise, quelqu'un avait prêté un peu d'argent pour cette mère-là, monoparentale. C'est classique, là. Ça va vous faire tirer les verres. Non, mais on n'apprend pas ça sur le tas, là. Ah, non. Elle lui a donné 50$. Prêté 50$ jusqu'à mercredi. Ah, mais elle n'est pas prêteuse, hein. C'est là son moindre défaut. Que faisais-tu? Ben, écoute, je donnais de la bonne bouffe à mes enfants. Mon ancien compagnon s'est sauvé après avoir semé. C'est classique. Il sème. Saint-Modon. Saint-Modon. Et puis là, je vais parler à la petite fille en disant, « T'as des belles lunettes. » Savez-vous, la petite fille à 5... la petite fille à 5 ans, 5 ans et demi. Elle m'a dit une phrase là, qui m'a... Déjà à cet âge-là. Ça veut dire que la mère doit utiliser ou pour la garderie ou... C'est n'importe quoi, la petite fille. C'est n'importe quoi. Et j'ai déjà parlé à cette émission, on va baisser l'écho, du n'importe quoi. Le n'importe quoi n'existe pas. Le manque de connaissances peut arriver. Donc, c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose ou que tu sens qu'il y a une vision autre que la norme qui vient de s'établir devant toi que c'est n'importe quoi. Tu peux dire, j'ai... une petite complexité là, à saisir vos propos, cher monsieur. Bien sûr, à 5 ans et demi, là, elle ne peut pas dire ça de même. Là. Mais c'est pas n'importe quoi. Tu as des belles lunettes. C'est pas n'importe quoi. Tu as des belles lunettes. Il me semble que c'est basic. Là, tu dis, oh, je veux rien savoir de la mer si la fille ressemble à la mer. Là. Quelques volets en fermant tes pancassettes, tu mets pied dans la crevette. Non, il sait, les navires, et partons à l'aventure, oui. Bon, OK, la chanson de mon ami Plume. Et puis, donc, imaginez-vous aussi que... Il en faut-tu de l'imagination à cette émission-là? Pas besoin, non, c'est un terme que je libère souvent de ma bouche. Libère pas trop d'affaires de ta bouche, là. Il y a assez que, comment t'appelles ça, là, la couche de boson, de d'ozone. Bozo, le foudrier est amoureux. Mais tu mets de l'écho, ça paraît moins pire. Madame? Ah oui? Ben oui, c'est de vous qu'il s'agit. Oui. Ben oui, madame. Ah oui? Ben oui. Hey, vous me dites un beau ben oui, vous? Ah oui? Ben oui. Comment ça, vous êtes... Ah oui? Ben voyons donc. Vous m'écoutez depuis le début? Ah oui? Ah oui. Ah, oh, c'est pour ça. Elle est toute chose. Elle va l'envers elle en est maintenant. Quand elle entend ma voix, elle ferait n'importe quoi. Elle est jolie. Elle était si jolie. Wouah. Oh, tu fais ça, Brian? Je me souviens pas. Attendez, madame. À enlever l'écho avant de faire l'enregistrement qui nous amènera des millions de dollars et qui sera demain au top 50 de l'insignifiance. Et il y en a beaucoup dans le top 50 de l'insignifiance. On prend un poste à... Toujours mon milieu. Je passe mon temps dans mon milieu. Je perds ma vie à la gagner, madame. Je suis un des rares. Un des rares qui, je le mentionne souvent, là, on fait partie du rouage économique, hein? Maudit rouage économique. Hey, moi, j'ai fait un changement. J'ai fait un saut il y a quelques mois. J'étais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, bien soudé pendant 27 ans à la même entreprise. Et j'ai décidé... de lâcher tout ça, de casser les chaînes pour me dire peut-être que c'est mieux ailleurs. Peut-être que c'est mieux ailleurs. Peut-être. Hey, les roses sans épines, peut-être là où ça. Mais ça, c'est vrai. Imaginez-vous que, encore une fois, imaginez-vous, faut-tu s'en imaginer? Ah oui, attendez, là. Elle était. Madame? Elle était. Si jolie. Oh. Que je ne peux l'oublier. Elle était si jolie. Attends, madame. Non, il y a de les... Vous êtes dissipé. Avez-vous appris les wa-wa-wa-wa sur le tas? Bon, il faut pas se placer dans le milieu du tas. Puisque c'est mou, donc vous allez vous caler. Vous calez, mais ça, vous êtes habitué de caler, madame. Moi, votre mari a commencé à caler. Non, ça lui donne un chat, c'est un petit charme. Hein? Kodjak, il va se mettre à sucer. Je veux dire, à sucer des sucettes. J'espère qu'il ne changera pas de sucette. Non, ma semaine. Souvent, hein, 23 ans, là, j'étais marié avec mon épouse. Oh, je préférais les chuchons. OK. Moi, je fais des marionnettes. Non, c'est pas ça. Non, OK, on y va avec la. Elle était. Dans l'humour, c'est sérieux. Elle était. Si jolie que je ne peux l'oublier. Elle était si jolie que je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent. Je ne peux l'oublier. C'est la fin de l'automne. Non, on va faire ça. Parce que je peux vous passer les quatre saisons de Bibaba. Tridabar. Non, c'est Bibabar. Et puis, ah oui, les roses sans épines. Là, c'est un petit garçon qui amène à la caisse, hein, au guichet en fait pour payer, au caissier. Deux roses. Alors là, le caissier qui est moi, je fais attention aux roses. J'ai dit, la tige comporte des épines. Là, je mets beau tâter la tige, les deux tiges. Madame, c'est les roses. Pensez pas, là, je sais que la fin de semaine commence, puis ça vous excite la fin de semaine. Vous, là, là. Oh, mon. Et je tâte les deux tiges et je me rends compte qu'il n'y a pas d'épines. D'épines. Hey, en 2015, on dégénère même la nature. On retire les épines des tiges. Parce que là, je m'imagine. On retire les épines d'une tige de rose. Pour pas blesser. Insignifiance, Madame Tremblay. Là, c'est mon taux d'adrénaline, là. Mon taux excusez-moi, j'ai quelque chose pris dans le gars. Attendez. Oh, de l'eau glacée que ça fait du bien. Imaginez-vous, madame, mieux que ça. On dégénère, on dénette Vercors. Je l'ai vu dans le Vercors, santé à l'élastique. Non, mais c'est pas ce Vercors-là, le Vercors, le romancier. Les chevaux sauvages ou les chevaux blancs ou les chevaux là, de Frédéric Claude Léveillé. Bon. Mais là, tu te dis dans ta tête en parlant au petit garçon en disant « Ah oui, ben c'est bien mieux, ben oui, ça pique pas, mais... » Ben parce que si c'est son père qui me l'a dit, ben oui, mais avant ça, on pouvait se blesser, ben... C'était l'intérêt d'acheter des roses. Puis de dire à ta copine, à ton amoureuse, mais même à l'enfant, « Maman, tu es ma plus belle maman du monde et tu sens la rose. Tu sens pas la rose, tu sens la rose. Tu sens la rose et t'es tout aussi belle de la rose. » Mais au moins l'enfant qui se pique. Pas se piquer dans ce sens-là, mais se piquer sur la tige, là. « Maman, comme un amour, quelquefois ça blesse, donner une rose. Hey, » ça, c'est beau, ça, là, tu dis à ton... Oh, mon Dieu, c'est le nouveau Rimbaud. Oh, cultive les mots, mon petit, les mots piquants, des mots olfactifs, des mots métaphoriques, des termes qui puissent faire rêver le peuple et l'empêcher de suicider. La musique, l'art, la création, la radio CKRL, les revues intelligentes qui nous font, qui nous élèvent. En haut du tas. Madame, on va vous parler de tas. Oui, vous êtes un tas d'amour. Ah oui. Comme disait Jean-Pierre. On fait plaisir aux bourgeois. C'est certain qu'on fait plaisir aux bourgeois. Ah ben, qui achète des roses à 5$, 6$, 7$? Les bourgeois, alors, pour plaisir. Oui, madame. Oui. D'accord. C'est une suggestion. Enlevez la tille. OK, enlevez les épines de la tige de toutes les roses. Vous en achèteriez plus. Vous en achèteriez plus, d'accord. Prends ça en note. Moi, je vais envoyer ça à monsieur la rose, là. L'important, c'est la rose, à Gilbert. OK? On va regarder ça ensemble. Continuez votre beau travail à dépenser votre argent. On vous aime. Continuez à travailler aussi, parce que dans vos loisirs, qui coûtent un bras, là, hein? Ça demande quand même de l'investissement au niveau du boulot. Puis qui dit boulot dit bye-bye les enfants. Qui dit bye-bye les enfants dit ah ouais, l'éducationnel, là, la femme de l'éducationnel, il éduque-les. Quand ils viennent à la maison, ces enfants-là, qu'est-ce que tu leur dis? T'as pris ça à l'école, t'as pris ça à l'institut de l'éducationnel, là. Je sens comme, avez-vous connu ça, Ray Vincent? Je sais pas ce qui arrive avec lui. Est-il encore de ce monde? C'était un conférencier. J'aimerais ça être un conférencier, me promener partout, puis parler, là. Puis pas pratiquer ce que je dis. C'est pas important, là. Tu dis, faites l'amour, pas la guerre, pas l'envers. Hein? Oui. Ouais. Puis t'es pas obligé de faire ça, de suivre ça. Tu le dis, si les gens le comprennent, si les gens trouvent ça intéressant. Au moins, si ça titille, je dis ça souvent, le mot titiller, tu es obligé de laver mon micro 2 semaines à cause de ça, titiller. C'est bien beau mettre des couvre-micros, mais à un moment donné, ça dégouline. Hein? Bon. Monsieur le Président, Monsieur les prêtres catholiques, Madame les Voluptés et vous, chers résidents et résidentes épidiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring! Reynald Le Néant Gagné. Aujourd'hui, bien oui, mes amis, mes chers frères, ce 18 décembre de la Pentecôte, la côte est haute, le tas aussi. On est dans le tas. Moi, j'aime ça, avoir un concept et le suivre. Hein? Nous sommes en haut du fumet. Aujourd'hui, le vendredi 18 décembre 2015. Bientôt, on va changer. Ça, c'est demain. Là. Et moi, j'en ai pour 9 mois à m'en remettre. On va dire 2015 jusqu'en septembre 2016. Voilà, là. Hey, wow! Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons. Hein? Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la chanteuse Valérie Leyo. Ou Leyo, fondatrice et membre du groupe Autour de Lucie, autour dans les années fin 80-90, Autour de Lucie. C'est pas un extrait, non, mais... Valérie Leyo est la fille de Jean-Michel Leyo et la journaliste sportive Maryse Gida. En 1993, elle forme le groupe Autour de Lucie avec le bassiste Fabrice Dumont et le guitariste Olivier Durand. Après avoir sorti 5 albums avec le groupe, elle enregistre à Paris son premier album solo, Caldera, chanson en portugais avec l'aide de Sébastien Lafague, dernier bassiste en date d'Autour de Lucie, et de Stéphane Kramer au mixage. Il figure la chanson « Mon homme blessé » écrit par Miossec. En 98, elle apparaît sur une chanson de J.J. Johnson, l'incroyable, dans l'album « Tattoo ». En 2002, elle chante avec Ben and Jensen dans le titre « Another Stupid Song » avec leur album « 10 Songs About You ». En juillet 2015, là, Réré, le dégénéré, le trouble-fête de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus lumineuses. En parlant de luminosité, un voyage chargé pour cette nuit rempli d'étoiles et vous êtes l'une d'elles. Vous êtes l'une d'elles! Je m'arrête ici dans la nomenclature et je vous souhaite une belle aventure nocturne. Alors place à l'émotion. Aux mots, au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la CC. Se cacher. je suis revenue faire de la promo. Je suis allée dans plein d'autres villes, mais que pour la promo, pas pour faire des concerts. Ok. Mais je me confonds un peu là maintenant avec tous les albums. Ouais, c'est vrai qu'avec les années, et puis surtout, bonjour Valérie. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Très bien. Une chose qu'il faut dire, c'est que tu fais partie d'un groupe, mais tu aussi fais des albums solo. Un album solo. Un album solo, effectivement. Ouais, ouais. Ça, c'est à la suite, après le groupe, ou si c'était en gestation pour un autre album qui n'a pas fonctionné, donc tu as décidé de faire Cavalier seul? Non, en fait, c'était après le quatrième album d'Autour de Lucie. OK. Y a des membres qui ont préféré partir plus vers l'électro. Par exemple, un groupe comme Télépop Musique, Fabrice est parti vraiment dans ce groupe. Il était à la base du groupe et il avait besoin de tourner, de faire des concerts. Il ne pouvait plus faire les deux projets en parallèle, donc il est parti. Et puis, moi, j'avais toujours Jean-Pierre, qui est un excellent guitariste, mais qui partait vivre à l'étranger, donc ça devenait compliqué. Merci. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être toute seule à bord du bateau, quoi. Donc je me suis dit, Autour de Lucie, c'est pas ça. Autour de Lucie, c'est un collectif, c'est des rencontres. Donc pour l'instant, on va mettre sur pause. Et j'ai décidé là de... En fait, c'est une rencontre, comme tout ce qui m'est arrivé, c'est une rencontre qui m'a guidée vers cet album solo, parce que j'avais casté un bassiste. Et ce fameux bassiste, Sébastien Lafargue, je m'entendais super bien artistiquement avec lui. Vraiment, on était sur... Il y avait un fluide incroyable qui passait entre nous et on s'est dit on va faire un album tous les deux très vite, parce que le groupe c'était assez long à mettre en place les morceaux, discuter, arranger, se mettre d'accord. C'était une démocratie dictatoriale, on va dire. Donc je laissais quand même de la place, j'écrivais les chansons, parfois on m'aidait à les finir, je laissais quand même de la place, mais c'est toujours moi qui avais un peu le dernier mot. Donc du coup... Peut-être ça aussi a engendré des frustrations chez les musiciens avec qui je travaillais, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'avais envie de quelque chose qui allait vite. Et du coup, d'où cet album solo Caldera. Bon, la phrase que tout le monde te pose lorsqu'on te rencontre, Autour de Lucie, comme tu t'appelles Valérie, qui est cette Lucie imaginaire? Ah bah, écoute, imaginaire, non. Mais en tout cas, Autour de Lucie, c'est le projet collectif que je porte. J'aime bien aussi l'idée que ce soit pas mon nom. Du coup, Valérie Leliot, c'est vraiment mes albums solo. Là, c'est vraiment mon nom. Mais Autour de Lucie, c'est moi qui rencontre des gens. C'est des rencontres, des expérimentations, un petit côté laboratoire toujours. Et je voulais quand même qu'il y ait une note dans le nom. Je voulais quand même qu'il y ait une note, quand j'ai cherché le nom au tout début, qu'il y ait une note féminine. Donc je trouvais que ce prénom était très court, beau, simple, enfin voilà, ça me plaisait. Vous êtes appelé au même moment que Niagara, ou à peu près dans ces... Un peu plus tard quand même. 4-5 ans après? Ah ouais, parce que Niagara, ils ont bien cartonné, mais je me souviens, j'étais allée les voir à l'Olympia, je faisais pas encore de musique. Ok. Ouais, enfin en France en tout cas, hein, je sais okay. pas... Chez nous, ça fait à peu près le ouais, même moment. Ouais. Mais les deux premiers albums que vous avez faits ont été quand même appréciés du public, appréciés aussi des critiques, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est essoufflé avec les albums? Bah, ça s'est essoufflé, c'est surtout le troisième album qui a marché en fait, en 2000. CKRL diffusait les deux premiers. Le premier ouais. a très très bien fonctionné, en tout cas dans notre radio. Ouais, L'Échappée Belle. L'Échappée Belle, effectivement. Ouais. Et il y avait c'était un album où les ambiances étaient très intéressantes, très importantes. Vous étiez précurseur de ce qu'on entend aujourd'hui, puisque les chansons se suivaient presque, l'univers se mêlait pour ouais. faire un album très très très intéressant. Donc mm-hmm. c'était pas une chanson, c'était l'ensemble mm-hmm. de l'album mm-hmm. qui était mm-hmm. bien. Et par la suite, ben, vous êtes comme greffé à ce style-là, ambifonique, amené l'idée, amené aussi l'ambiance sonore sur ouais, un album. Tout à fait. Comment vous travaillez? Comment vous allez travailler les premiers albums? Les premiers albums, alors ça remonte à loin maintenant, oui. mais en fait, moi, ma façon de travailler, c'est toujours, je pars toujours de l'écriture de la chanson. Donc soit le texte, soit la musique, mais il faut que la chanson guitare-voix ou piano-voix, elle tienne, ce que j'appelle tenir, c'est-à-dire qu'elle me provoque une émotion. Ensuite, bah, je la donne un petit peu en pâture, je la livre à mes camarades et je vois comment ils réagissent à ça. Alors parfois on enlève une partie, on travaille la structure, on affine un peu. Et puis après, on décide de l'ambiance. Voilà, on commence à mettre des... C'est souvent le rythme, en fait, qui... Voilà, au début, on travaille comme ça. Après, il y a eu une vraie césure à partir du troisième album. Parce que le troisième album, c'était le sampleur. Donc là, moi, j'ai beaucoup samplé. J'avais beaucoup de disques à la maison. Mon fiancé de l'époque était un collectionneur. Donc j'avais plein, plein de matières pour faire des samples. Et j'ai passé 5 mois, là en bas dans une rue, là, dans un petit studio, à faire que 8 heures ou 10 heures par jour, que du sampling. Que, écouter, prendre, écouter, prendre. Tu as une formation musicale ? Non. Ok. Non. Autodidacte. Autodidacte. Mais j'ai écouté de la musique très jeune. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la chanson ? Tu aurais pu être blanche, genre, J'ai toujours été passionnée par ça. Je veux dire, enfin, la musique, je suis arrivée tard. 24 ans, mon premier album, c'est quand même tard. Surtout que je n'avais pas étudié la musique. Mais donc, qu'est-ce que tu faisais avant ? Tu étais étudiante ? Avant, j'étais étudiante. Après, j'ai fait des études pendant 3 ans qui ne me plaisaient pas du tout. Et des études, où c'était en anglais. Parce qu'en fait, j'avais été dans une école bilingue, jeune. Donc, je parlais anglais, français, je parlais peut-être mieux anglais que français. Ensuite, je suis sortie du bac, je savais pas du tout quoi faire. On m'a mis dans une école, Institut Franco-American Management. Je crois que c'était plus mes parents pour me mettre quelque part. Et comme ils se sont dit, comme elle a fait une école bilingue, ça garde le côté anglais, enfin anglo-saxon, exactement. Ce qui était plutôt une très bonne idée, je trouve, parce qu'ensuite, quand je suis venue, pas au Canada, mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai les interviews et tout, c'était génial, parce que je pratique pas, mais je comprends super bien. Donc mon oreille était déjà formée, en fait. Donc ça, c'était un plus, après, quand on est sorti sur le label Network. Mais en tout cas, voilà, après, j'étais passionnée de musique. J'écoutais, en fait, la musique, c'était mon petit havre de paix. Je travaillais, alors j'ai assez vite travaillé, je travaillais dans une agence de pub. Je m'occupais des films de pub. J'ai fait un stage, après, ils m'ont embauchée. Mais le matin, avant d'aller bosser, le soir, en rentrant, musique. C'était vraiment... une façon de me retrouver avec moi-même avant d'aller travailler et après le travail. Et donc voilà, j'ai jamais pensé faire chanteuse, moi, jamais, jamais, jamais. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 24 ans, donc, ayant un petit peu travaillé à droite, à gauche et ayant assez vite vu que c'était pas trop mon truc, le monde de l'entreprise, avec toutes ces petites bassesses, les petits chefs et tout ça, c'était pas mon truc. J'ai un petit peu du mal à écouter... discipliner. Ouais, enfin, je peux, mais il faut que j'admire. Si je n'admire pas, je n'écoute sans pas. Sans aucune raison, la discipline n'a pas sa place. C'est-à-dire que on peut me dire, tu dois faire ça, mais il faut que je respecte la personne. Si je la respecte pas... Il faut que ce soit cohérent. Voilà, exactement. Mais dans le monde du travail, souvent, on peut se heurter à des petits chefaillons, des gens qui utilisent leur petite posture supérieure. Et qui, ouais, et ça, je peux pas. Donc, bon, voilà. Voilà, donc assez vite, je me suis rendu compte que voilà, j'avais un caractère. Bah non, j'étais pas très heureuse là-dedans. J'étais pas épanouie. Et puis du coup, j'ai rencontré un garçon dans cette agence de pub qui faisait des musiques. Et un jour, je suis allée chanter chez lui dans sa cave. J'ai fait des voix. Il m'a dit « Ah, c'est super ta voix et tout. » J'avais jamais pris de cours de chant ni rien. Puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et puis ensuite, mon premier disque, j'ai monté le label avec mon copain de l'époque. Il a quitté son boulot. Je lui ai fait quitter son boulot. Bah, il aimait pas son boulot non plus. Hein. Il était aussi dans la publicité. Il aimait pas son travail et il a tout quitté, il a monté le label et voilà. Et du coup, on a sorti le premier disque dont tu parles, c'est le fruit de ça. Mais tout ça en arrivant très tard à la musique, sans aucun bagage. Oui, oui, mais c'est les rencontres que j'ai faites et je pense que si peut-être j'ai un tout petit talent dans ma vie, c'est casting director. Parce que j'ai trouvé des gens super avec qui. C'était des rencontres, je parlais avec eux, c'est des gens, il y a des gens qui avaient des fanzines, qui me connectaient avec d'autres musiciens, tu vois, je devais participer à une compile, je connaissais aucun musicien. D'accord, aujourd'hui c'est comme ça ? Non, aujourd'hui, non, enfin, c'est souvent des musiciens qui te présentent d'autres musiciens, tu traînes dans des soirées, tu vas voir des concerts, tu rencontres encore des musiciens, mais à l'époque je connaissais personne, j'étais complètement... J'étais toute seule quoi, avec mon copain qui montait le label, mais on avait, tu vois, on n'était pas dans un milieu de musique du tout. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice, avec qui m'a vraiment aidé à faire ce premier album. Parce qu'il était là tous les jours chez moi, à 9h du mat, il toquait à la porte, tous les jours on a travaillé. Il m'a beaucoup appris. Ensuite j'ai rencontré le guitariste Olivier Durand, premier guitariste, qui était dans une maison de disques lui, bossait dans une maison de disques. Et il a quitté le groupe assez vite parce qu'il ne pouvait plus faire les deux, il n'y arrivait pas. Il a quitté ça. Et après, donc, j'ai cherché un guitariste, j'ai rencontré Jean-Pierre. Et donc, après, c'était des castings comme ça. Mais, c'était un mélange de feeling humain et de culture, en fait. Il fallait quand même que la culture matche. Parce que, tu vois, j'allais pas prendre quelqu'un qui était vraiment aux antipodes. Ouais. Mais pas forcément non plus exactement comme moi. Il fallait toujours. Jean-Pierre, quand il est arrivé, on a fait le deuxième album. Il a amené beaucoup d'électricité. Lui, il écoutait à l'époque les Pixies, trucs que j'écoutais pas moi. Moi, j'écoutais de la pop, mais Belle Fontaines, les Smiths. J'étais très pop, tu vois, mais on va dire ce qu'on appelle la pop ciselée. Ouais. Lui, il était plus Sonic Youth, Pixies. Ah oui. Plus garage. Plus dur, tu vois. Plus garage. Et PJ Harvey, tous ces trucs-là. Et en fait, moi, je me suis aussi cultivée avec lui. Okay. Et il a amené ce côté qu'il y a sur le deuxième album, qui est plus électrique, plus de guitare. Et puis voilà, après il y a le troisième qui était donc, là je commençais à rentrer dans un systématisme, donc j'ai voulu casser ça et je suis partie à partir des samples. J'ai fait des samples, et à partir des samples, ben, on a bouclé des choses. C'était la mode, hein, c'était l'époque, on était en plein dedans. Et en bouclant des choses, bah, y avait des mélodies qui venaient, tu vois. Mais il fallait trouver une autre façon de travailler parce que en musique, tous les musiciens le disent, je l'ai lu dans beaucoup d'interviews et c'est vrai, t'as tes petites recettes en fait, tu vois. Et tu tombes vite sur, quand tu prends la guitare, les mêmes accords, le piano, les mêmes accords. Et en fait, bah, c'est-à-dire que, bah oui, puis surtout, moi, j'ai pas la culture musicale, on va dire, académique. Quand les mecs sortent d'école de musique et tout, ils ont une ouverture de chant qui est très grande. Moi, j'avais juste mon petit tunnel de notes qui me plaisait bien, parce que, en fait, je faisais tout à l'oreille. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose ou c'est Bah, aujourd'hui, j'ai forcément un peu appris, ouais. Parce qu'en fait, à force de travailler avec des gens et d'autres qui connaissaient très bien la musique, et même qui l'écrivaient, quand tu te dis, bon, tu peux faire un La mineur, et toi, t'es là, je sais pas, bon, au bout d'un moment, t'apprends. Voilà. Bon, voilà, donc je sais à peu près les accords maintenant. Tu joues de quelques instruments ? Je joue piano, enfin, pas très bien, et guitare, un peu mieux, on va dire. Sur scène, est-ce que tu oses prendre la guitare et... Ah oui, sur scène, oui. Guitare et j'ose même, c'est surtout le piano que j'ose prendre parce que sur scène, le piano, faut... C'est très compliqué. C'est très dur, faut être très zen et sur scène, on est toujours un peu... Ouais, c'est le stress. Hein. Voilà. Alors la guitare, pour moi, c'est plus mon élément. J'ai toujours joué de la guitare sur scène. Donc pour moi, c'est vraiment comme si j'avais une robe, tu vois, je connais. Par contre, le piano, c'est plus dur. Pour moi, c'est un vrai acte punk. que j'aime bien faire aussi pour un peu me bousculer et... Mais une fille à la guitare, c'est toujours plus intéressant. Tu trouves? Oui, ben oui, déjà, il y a toutes ces filles-là qui C'est moins classique. c'est moins classique, c'est plus rocker, c'est plus intéressant de voir une fille avec une guitare qu'une fille au piano. Véronique Sanson, c'est je suis d'accord, je suis d'accord. Je préfère voir quelqu'un avec une guitare que derrière un piano. Je vois ce que tu veux dire, il y a un truc qui se décale avec la guitare alors qu'au piano c'est bon. C'est ça. Mais alors moi, pour moi, c'est le contraire. Ouais. Comme j'ai toujours joué de la guitare, pour moi le piano... Ah bah oui, ah oui, parce que je sur scène, je sais pas si tu viens nous voir la prochaine fois, je joue de la guitare électrique, surtout acoustique, mais électrique aussi. Et moi, je suis plutôt rythmique, je suis pas, tu vois, je fais pas des petites notes, je suis plutôt rythmique, c'est mon truc. Donc voilà, après le piano, c'est voilà, c'est, mais je suis d'accord que visuellement, c'est beaucoup plus classique, surtout une blonde au piano. Oui, ben oui, ben oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le mutisme autour de Lucie? Alors, il s'est passé que j'ai fait un quatrième album, après cet album Faux Mouvement, là, qui a très bien marché en France. À Québec aussi, peut-être. Ah ouais, non, un petit peu. À la ah, radio, ouais. Ou... ah ouais, bah, tant mieux. Ouais. Je sais que le label américain ne voulait pas le sortir parce qu'on était trop dans l'électro. Et ouais. Il disait l'électro, ça ne marchera jamais. C'est pas du... En fait, on était un petit... C'était d'avant-garde. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai dit, ok les mecs, ils voulaient que je change, hein, ils voulaient que je fasse. Je me souviens très bien, le mec m'a appelé du label, il m'a dit, il faut faire du rock FM. Je dis, vous en avez 75 déjà dans vos radios. Je vois pas l'intérêt de faire du rock FM chanté par une Française en anglais en plus. Ça va être moins bien que ce que vous avez déjà. Aucun intérêt. Et du coup, ils ont rompu le contrat. Et du coup, bon, j'ai dit, c'est pas grave, moi je m'en fous. De toute façon, j'étais très contente d'aller jouer là-bas, si tu veux, mais j'ai jamais eu... une ambition internationale. Mon truc, c'était de faire des beaux morceaux, des beaux disques. Et bon, voilà. Après, si au bout du monde... Ouais, ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Je suis quand même partie au Japon deux fois. Quand même, grâce à ta musique, c'est fou. Et sans changer quoi que ce soit. Tu chantes en français, tu fais tes trucs. Et les gens t'attendent. Les gens t'attendent, les gens t'apprécient. C'est fantastique. Ah non, ça, c'est fantastique. C'est vraiment, dans ma vie, c'est... C'est une bouteille que t'envoies à la mer et qui, à l'autre bout, est reçue. Et le mec, c'est un SMS du bout du monde, quoi. C'est génial. Et à travers ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à travers ça, tu veux dire à travers... Dans cette solitude. Ah oui, oui. Alors, après, on parlait de l'espèce de moment où il y a... Voilà. Donc, il voulait que tu fasses la porte. Voilà. Donc, après ce troisième album, on a fait un quatrième album qui s'appelle Autour de Lucie. Et là, c'était vraiment... là, ça commençait, le bateau commençait à... Un petit peu. Je dirais pas couler parce qu'il est toujours à flot aujourd'hui, mais il y avait des trous dans la coque. Voilà. Donc, disons que c'était très très dur de le garder à flot parce que je passais ma vie à organiser des plannings. Je faisais plus de musique, c'est-à-dire que je passais ma vie à faire ah ouais, toi t'es à Paris, ah ok là. Tu vois, je faisais plus de musique en fait. C'était que de l'organisation. Mais t'étais obligée de faire un autre album, c'est ta compagnie qui t'obligeait à... Alors là, j'étais chez Barclay, j'ai changé. Les trois premiers chez Sony. Ensuite, l'album solo Village Vert. Mon petit label, en fait, le petit label qu'on avait monté. Ouais. Et ensuite, le quatrième, Autour, c'était chez Barclay. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Chez Barclay, on avait un peu plus de moyens, on était super bien accueillis, ils avaient vachement envie de nous signer et tout, c'était chouette. Mais là, on a vendu un petit peu, hein. À l'époque, on avait vendu 25 000 en France. L'album était assez classique en fait, c'était pop, on va dire. Alors c'est pareil, là il y a un gars qui est rentré dans le groupe qui faisait des claviers. Donc là, on a intégré pas mal de synthés et de claviers. Donc c'est un album qui est assez produit. Ils sont tous produits, mes albums. Mais... Ah oui, mais moi, je les aime tous, hein, tu sais. Je... Mais celui-là, un peu moins. Non, il y a des chansons dessus que j'aime beaucoup. Non, il y a des... Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Dans quel pays ?» que j'adore. Il y a « La grande évasion » que j'adore. Non, il y a vraiment des belles chansons. Mais on est plus dans une pop West Coast. Okay. Tu vois, un peu Rican West Coast, avec beaucoup de Rhodes, tu vois. Chose que j'avais jamais fait avant, donc c'était encore une fois, ouais. Et du coup, ça après, le contrat s'est arrêté avec Barclay. Et puis alors après, ce qui s'est passé, c'est que donc mon album solo est sorti ensuite, pardon, parce que là j'ai interverti, ouais. Mais j'ai fait 4 retours et l'album solo. Et là, après l'album solo, qui a pas mal marché aussi, on a fait 15 000 en France. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas nul. là, j'ai commencé à jouer avec un projet qui s'appelle Frère Animal. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Florent Marché, tu connais ? Bah, Florent, il a écrit avec un ami à lui qui est écrivain, Arnaud Catherine, un roman musical. Et c'était un projet super intéressant. C'est toute une histoire, en fait. Tu peux le trouver sur le net si ça t'intéresse. L'histoire est géniale. En fait, leur projet est super parce que c'est... Déjà, c'est... Bah, ça a commencé... Mon album solo, c'est 2007, 2008, ça devait être 2009-2010. Ça, et on a tourné jusqu'en 2013, donc pendant trois ans, mais une date par mois, mais longtemps. Et en fait, ce projet était super parce que c'était... on était quatre sur scène, on bougeait tous les instruments, on jouait de tout, on changeait tous notre place. On avait des pupitres, parce qu'en fait, c'est une histoire. Donc on lisait, on chantait, on lisait sur de la musique. Enfin, il y avait tout le temps de la musique, en fait. Et c'était soit de la lecture, soit du chant. Et donc, il y avait un petit côté comédie, en fait. Et c'était super intéressant parce que le sujet était très dur. C'était le monde de l'entreprise, comment il finit par t'étouffer, comment tu finis par... Ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Donc, moi, ça m'a parlé à fond. Alors, ça t'intéressait. Ça m'a vachement parlé. Et tout ça avec des super jolies chansons. Est-ce que c'est Florent qui est venu te chercher ou... Ouais, c'est Florent et Arnaud qui sont venus me chercher. Ok. J'ai fait les premières maquettes et j'ai trouvé l'idée géniale, en fait. Parce que... C'est un génie, Florent. Ouais, il est très fort. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça n'existait pas. Et toujours dans ma quête, pas devant, mais de faire des choses... j'aime pas ce qui a déjà été fait, je trouve pas ça intéressant. Ça m'intéresse pas, ça m'excite pas. Donc du coup, je ne mets pas le meilleur de moi-même. Donc moi, je suis toujours intéressée par les projets qui... Ce serait prétentieux de dire avant-gardiste, mais où il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu. Enfin, ouais. Voilà. Et donc ce projet-là était super. Donc il a beaucoup plu en France, je te dis, on a tourné pendant 3 ans. Et ça c'est partout en France ? Partout, sur des grandes scènes, hein, parce qu'on avait un grand piano sur scène. Florent joue le piano magnifiquement. Ah, c'est une belle école pour toi ? C'était fantastique, parce que moi là, du coup, au début j'ai dit, écoutez, moi je veux bien faire le disque, parce que c'était un livre-disque qui est sorti chez Gallimard. Au début c'était bien, mais après ça, ça devenait un peu... Non, c'est pas ça, c'est que j'ai dit, je veux bien faire le disque, mais je veux pas faire la scène, parce que moi je suis pas comédienne. Je suis pas comédienne, et vraiment je me sens pas du tout comédienne. Et ils m'ont dit, mais non, tu verras, tu vas y arriver. J'ai fait, je sais pas sûr. Donc j'ai joué le jeu au début, puis en fait j'ai vachement apprécié, et encore une fois ça m'a boosté dans des univers que je connaissais pas. À savoir parler en public, lire un texte, ne pas aller trop vite, jouer avec les silences, jouer avec cette matière qu'est le silence, quoi, que je fais aussi avec la musique, mais là c'était avec ma voix, enfin juste sans musique, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Puis je me suis prise au jeu, et voilà, et le projet a super bien marché, et là il y en a un deuxième qui arrive. L'année prochaine, ouais. Bah moi, ça y est, mon disque, il est sorti il y a 2 mois. Ouais. Deux spectacles cet été. Bah, plutôt en septembre. Septembre. Ouais. En septembre. Et bah, Frère Animal 2 qui arrive l'année prochaine. Toujours avec Florent. Avec Arnaud Catherine et Nicolas Martel. Je sais pas si tu connais Sébastien Martel, qui est un guitariste. Qui a joué avec M, Camille. Ah oui, je l'ai rencontré. Un festival qui s'appelle, je l'ai vu, ouais, il était avec Camille. Voilà. En tout cas, pour moi, juillet, avec les Wampas, j'étais avec les Wampas. Ouais, rencontré, d'accord. Un homme extrêmement intéressant, il a fait un album double à cette époque-là, il y a 4-5 ans, c'est exceptionnel. Son album? Double. Un double album. Mais il a fait un album qui s'appelle Las Ondas Marteles. Tu connais ça? Oui. C'est super ce oui. qu'il fait. C'est super. Et quand je lui en ai parlé, il était surpris que je connaissais cet album de club. Mais c'est mémorable. C'est super ce qu'il fait. Oui, oui. Et donc c'est son frère. Il était gêné. Et c'est son frère qui chante dans La Sondas. Et c'est son frère qui est dans Frère Animal, Nicolas Martel. Et du coup, là, on a la même équipe. On sera 5 sur scène, il y aura un batteur en plus. Et le thème de. Donc le thème là va être un peu différent, parce que c'est Frère Animal 2. En fait, on garde le concept. Mais le thème est encore plus hard que le premier. Tout ça en musique. Et toi, est-ce que tu écris là? Non. Okay. Moi, je suis... Qui écrit? Florent et Arnaud. Okay. Ils écrivent tout à quatre mains. Et moi, je suis que interprète. Et ça me va très bien parce que comme j'ai déjà mes projets à moi, J'adore être, tu vois, juste interprète, qu'on me dise là tu fais ça, là tu. Je vais te donner ton ok, après que l'album soit fait autour de Lucie ou après. Sur Frère Animal ? Oui. Non, mon ok, il savait que j'étais ok. Okay. Parce qu'en fait, ils étaient tellement contents de ce qu'on avait. Parce qu'on l'a monté vraiment. Alors là, vous allez faire un album aussi ? Mais ouais, ouais. On est en train de faire les maquettes. Ils cherchent un tourneur. Et ensuite, et en plus, on vient d'apprendre qu'il va y avoir un film. Donc ça va devenir un truc... Alors le réalisateur qui va accepter de faire... Ça y est, on a déjà le réalisateur, c'est signé avec la production. Je ne peux pas trop dire encore parce que c'est un peu tôt, mais si jamais ça t'intéresse, va voir chez Florent Marché ou va voir Arnaud Catherine. Oui. Et Frère Animal, peut-être, je ne sais pas si le Facebook existe encore. De Frère Animal, je ne sais pas. Bah, normalement, oui. Ça ne me surprend pas qu'on détruise des bases. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou c'est des archives. Oui, mais est-ce qu'ils vont le réactualiser ? Je ne sais pas s'ils vont refaire un deuxième ou si... On va avoir le premier. Voilà, voilà. Ah, mais c'est intéressant. C'est génial. Là, tu revis parce qu'on vient te chercher, tu fais des choses qui te plaisent. Bah surtout, voilà, ça me change aussi de mon groupe, ça me change d'être toujours devant mes textes, mes émotions, mes sentiments, mes galères, machin, ça. Là, je suis un peu portée par l'histoire et j'y mets tout ce que je peux y mettre, mais voilà. Mais les années, on te voyait moins. Est-ce que tu te ressourçais? Est-ce que tu étais retirée pour prendre du recul, pour réfléchir à ta carrière? Ou si tu étais toujours dans l'action, mais peut-être un peu moins... Ben, j'écrivais des chansons. Entre les dates de Frère Animal, je réécrivais des chansons. Tu n'as jamais arrêté. Ben non. Mais tu étais dans l'ombre de l'écriture. Donc ben ouais, mais tu sais, la musique, une fois qu'on est accro à ce truc-là... Ah oui, on peut pas démissionner. C'est très difficile. Pour se même, on ne prend pas de vacances, en fait. Non, mais non, un poète, est, comme disait quelqu'un, un Québécois, un poète est toujours en fait travail. Hein. Mais c'est ça, mais Mioza qui disait ça aussi dans une interview, il disait, le problème, c'est génial ce métier, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à fermer la porte. Il n'y a pas un on-off dans certains. Non, tu peux pas, ben non, parce que tu es un buvard, ouais. Tu prends tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, ben oui, et tu en as besoin pour faire une espèce de pâte qui va te servir après, la matière à faire tes chansons. Est-ce que tu cherches des nouvelles sensations pour écrire autre chose? Est-ce que tu veux vivre des choses que tu n'as jamais vécues pour écrire autre chose? Bah, ça aide, hein. C'est sûr que les voyages, par exemple, c'est un cliché, mais ça aide énormément. Ouais. Moi, je suis très sensible. Ou des expériences autres, là. Oui, voilà, ça, bien sûr, tout ça. C'est pour ça, moi, que j'y vais tout de suite, je fonce, parce que je sais que ça va me nourrir. Mais après, il faut aussi que ça me plaise. Si ça me plaît pas, je peux pas y aller. Mais est-ce que le fait de... Parce que lorsqu'on est jeune, on est prêt à tout, puis on le fait avec l'université, mais avec le recul, avec les années, est-ce qu'on est beaucoup plus... on examine, on évalue, ou on est moins prêt à bondir comme la fauve pour... Oui, t'as raison, mais moi, là où j'ai de la chance, c'est que comme je fais une musique qui est quand même très, très spéciale, les gens qui me connaissent, ils ont déjà fait les trois quarts du chemin. C'est très singulier, ce que tu vois. Voilà, donc du coup, s'ils viennent me chercher, ils viennent me chercher pour ce que je fais. Donc j'ai pas non plus, en général, ça marche toujours. Très, très rarement, j'ai refusé des choses qu'on m'a proposées. Parce que si on vient me chercher, c'est qu'on connaît mon travail, qu'on l'apprécie, et donc que ça va matcher. As-tu l'intérêt d'être là pour moi? Bah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien écrire pour d'autres. Est-ce qu'on t'a approché ? On m'a proposé, mais des choses tellement différentes de moi que ça n'a pas rendu grand-chose. Aurais-tu une préférence pour les garçons ? Écrire pour des garçons ? Ah, je sais pas. Pour leur mettre en bouche ce que tu voudrais qu'ils te disent ? Je sais pas, oui. Je ne me suis pas posé la question. C'est vrai que ce qu'on m'a proposé, c'était une fois c'était une fille, l'autre fois c'était un homme. Mais la fille, c'était une fille de la Starac, tu vois, c'est ces trucs-là. Et moi, c'est... C'est triste. Alors, moi, je veux bien le prendre comme un challenge et un exercice, mais il faut que je rencontre les personnes, il faut que je parle avec elles. Puis il faut qu'il y ait quelque chose. Ben oui, il faut parler de la personne. Si tu lui colles un morceau comme ça, enfin, moi, j'y crois pas. Mais bon, donc c'est pour ça que ça n'a pas vraiment conclu. Et puis là, j'aimerais bien, oui, écrire pour d'autres, parce que j'adore écrire. Enfin, est-ce que tu étais la genre de fille à prendre un journal personnel puis à réviser à chaque jour ce qui se passait dans ta vie personnelle, amoureuse? Ou si non. Ça s'est fait un peu plus tard, lorsque tu as eu des copains qui faisaient de la musique, tu as dit « Moi, je peux écrire des paroles? » Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis plus quelqu'un d'assez rentré. C'est-à-dire que je vis des choses, j'accumule, et à un moment ça va sortir. Mais je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup. En fait, c'est les émotions. J'essaie. C'est difficile à expliquer. On m'a déjà posé la question et j'ai du mal à chaque fois à y répondre parce que c'est un espèce de façon de fonctionner qui est bizarre. Mais quand j'écris les morceaux, par exemple, je me mets au piano, il y a une phrase qui sort, elle me plaît. Après, je vais tirer le fil. C'est comme une pelote, tu vois, tu tires le truc. Mais c'est un moment, je régurgite une émotion. C'est-tu William Schaller qui fait la même chose? Ah ouais? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai entendu. J'adore ce qu'il fait. La même chose. Il dit que lui, il crée une couleur et il continue sur la couleur. Ça, c'est le film. Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est la même chose. Ça donne des musiques avec beaucoup de singularité, beaucoup de ressenti. C'est ça. C'est vraiment très personnel et les personnes qui t'écoutent, ce qu'ils ont vécu, ils se l'accaparent. C'est ça. Donc toi, tu veux dire quelque chose, mais la personne qui t'écoute, elle va capter autre chose. Exactement. Et tu laisses la lassitude. Mais bien sûr, et puis j'ai surtout pas envie de dire quand on me dit cette chanson, elle parle de quoi, ben, je dis à votre avis. Parce que ma réponse, c'est ça. C'est ça touche ou ça touche pas? Bah oui, tu y mets, c'est une page blanche. Après, je donne des indices. Un spectacle qu'on s'attend, là aujourd'hui, tu fais pas un retour, mais enfin, tu te reprends le groupe parce que tu l'avais laissé pour d'autres projets. Mm-hmm. Les gens s'attendent à des chansons de d'autres albums que tu as fait. Ouais, mais je propose un mix. En fait. Est-ce que tu les reprends autrement ou tu... Ouais. Oui. Ah oui, je suis obligée parce que... Est-ce qu'on peut les reconnaître? Parce que oui, là, okay. Oui. Oui, parce que je reviens, il y avait quand même 35 musiciens classiques. Il y avait un orchestre à cordes. Je peux pas avoir ça sur scène. Non, mais pas quand tu venais au Québec, il y avait pas autant de musiciens. Non, suis, non, non. Plus, mais là, on, comme si tu veux, là, on fait l'album qui est quand même pop, rock, électro. Bah, les arrangements vont dans cette veine-là. C'est-à-dire que ça reste toujours quand même pop-rock avec des guitares et tout, mais on va dire que tout ce qui est rythmique, c'est un peu plus synthétique. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est un album concert. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors, non, mais... Ouais, mais les... moi, je suis très, très difficile avec ça. C'est-à-dire... Okay. Tu veux retoucher après? Je trouve ça super difficile de... déjà de... de capturer un moment. Ouais. Tu vois, il y a des gens, il y a des mecs qui font des, ou des nanas qui font des one-man shows, ils refusent que ce soit filmé, alors que c'est des genre Valérie Lemercier ou des gens comme ça qui sont incroyablement bons. Mais je comprends ça, parce que c'est un moment qui est vécu avec des gens, et l'enfermer dans un... Ouais, c'est spécial. Après, si tu fais des stades et tout, bon là, c'est tellement énorme, et tellement, genre U2, ces groupes-là, Coldplay, c'est tellement immense, que je pense que ça peut passer le, la barrière du... Mais là, c'est trop intimiste, on peut passer à côté. Mais c'est vachement important d'être dans le truc, et surtout la musique, c'est aussi le corps. Tu reçois les vibrations. Quand t'as l'image, bah, t'as que l'image. Et en fait, c'est pas que ça, un concert. C'est l'image, mais c'est aussi l'émotion de la voix, l'émotion de, tu vois, de la basse qui fait ça ici. C'est ça, un concert. Alors, jamais, non, pas faut pas dire jamais, mais... À part les jeunes avec leur cellulaire qui vont placer ça sur leur page Facebook. Ouais. Ben oui, oui, bien, mais j'en bien. Trouve un peu, tu vois, des petits bouts de concerts. Il y en a sur ma page Facebook, des petits bouts filmés. Oui. Bon, ça va. Mais c'est bien professionnel, peut-être. C'est une chanson ou deux. Ouais, je sais, ouais. Clips, ouais. Non, mais t'as raison, il faudrait qu'on le fasse, mais il faudrait qu'on trouve une mais équipe. Il y a des gens aussi qui t'ont jamais vu. Ouais. OK. Ils sentent l'ambiance autour de nous aussi. Ça les amènerait à venir te voir. Ouais, je sais. Mais on en a parlé avec mon label. Ah, ok, ah, oh, bon. Il faut que... Non, mais il faut qu'on le fasse. On veut le faire. Mais ce serait bien. Ouais, ouais. Ce serait bien parce que, surtout, les gens qui t'ont jamais vu, les jeunes de 25-30 ans, autour de Lucie. Ouais, c'est ça, ils connaissent pas. Ben, grâce aux parents, qui ont les albums. Ouais, ouais. C'est quand même assez rare. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez. D'ailleurs, cette époque n'est pas vraiment adaptée à ma personnalité parce que je suis... Maintenant, ouais. On va y revenir avec mes questions tout à l'heure. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime... J'aime bien garder un certain mystère, en fait. Parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'artiste. Okay. Et je trouve qu'aujourd'hui... À la Bachung, un peu. Évidemment. Okay. Évidemment. Okay. C'est la référence... On ne sait pas... On ne connaît pas l'homme dans sa totalité. On a des brides, des métaphores. On a l'univers Alain Bachon. Donc, c'est un peu ça, je pense, que tu veux créer, nos féminins. Mais oui, parce que c'est ça qu'on aime chez Bachung. Cette espèce de... Il faut pas tout donner. Mais non. Il faut laisser l'esprit... Exactement, l'imagination. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la mort de l'imagination, quand même, je trouve. Imposé, on a un flux d'infos, un flux de musique, un flux de tout, et bombardé d'infos. Et l'imagination, c'est quoi? C'est quand on s'emmerde. Et l'imagination, moi, je me suis beaucoup emmerdée quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. Et merci, tu vois, je dis merci aujourd'hui parce que cette truc que j'ai développé. Alors après à vivre, c'est pas toujours évident, mais je fabrique des petits scénarios tout le temps. C'est ça mes chansons en fait. C'est des petites histoires ou c'est mon histoire ou une histoire que j'ai entendue ou un feeling que j'ai ressenti. Ou... Mais mon cerveau il fonctionne comme ça. Parce que j'avais pas de frères et sœurs, j'étais fille unique. Donc je me créais des petites histoires, des petits machins. Et l'ennui, c'est le début de l'imagination. Et aujourd'hui, voilà. Donc j'essaye de rester dans cet esprit-là, mais c'est difficile. Et autour de moi, on me demande de communiquer beaucoup, de me montrer beaucoup. Et je suis dans un rapport de force parce que... Et tu essaies de montrer que l'absence aussi a sa place. Le côté... Bah, les 10 ans, là... Bah, c'est ça. Et puis souvent, quand on me dit « Mais comment, pourquoi t'as attendu 10 ans ?» Mais j'ai pas attendu 10 ans. C'était pas prête. Ma vie a fait que cet album sort aujourd'hui. Mais j'ai pas attendu, je me suis pas dit, bon, alors je vais attendre 10 ans, comme ça dans 10 ans ils seront bien mûrs. Tu vois? Est-ce qu'il y a des chansons qui étaient prêtes il y a 10 ans? Non. Non. Mais celles qui sont prêtes il y a 10 ans, elles se sont effacées d'elles-mêmes. Et sur scène, tu les reprends pas, c'est terminé. Non, si elles sont pas sur le disque, en général, c'est que si elles ont pas... Ouais. Ouais. Mais t'es pas du genre à essayer une chanson sur scène avant de la placer sur le disque? Je suis pas trop fan de ça. Parce que comme on fait tout à deux avec Sébastien, on a un super batteur avec nous hein, sur scène qui est génial, qui joue très très bien. Antoine. Trois musiciens. Trois, ouais. Antoine Carninon, et on est trois et on va peut-être être quatre, j'espère. Et en fait, bah on sait pas encore. Quel instrument? Bah ce sera synthé basse. Okay. Là pour l'instant on fait tout à enfin batterie, guitare. Il n'y a pas de basse sur scène. Ça, c'est... Le changement de l'industrie, est-ce que ça dérange? Ça change la donne, ouais. Tu fais beaucoup moins d'argent avec les disques? Ah bah ouais, c'est très très difficile. Après, il y a toutes ces plateformes de streaming. C'est les spectacles qui... Ouais, les spectacles. Ouais, mais les à côté, c'est quoi? C'est la pub, c'est... Non, mais peut-être que, comme plusieurs artistes, remettre un album, un spectacle audio... En sortant, c'est l'intérêt. Certainement, il va falloir qu'on y songe. Parce que quelqu'un aimerait ça, avoir quelque chose, le coucher sur scène, ouais. Et l'amener à la maison pour s'aider lorsque ça ne va pas très bien. Mais il faut que ça soit bien réalisé, tu vois, avec une belle lumière et un... Ah un... non, mais juste audio. Ah, juste audio, oui, sur une clé. Oui, les spectacles sont souvent difficiles. Ouais, c'est vrai, ouais. Pour 10$, 15$, comme ça, tu gardes avec toi le spectacle. Ouais, c'est vrai. Ça peut être une histoire d'amour, elle t'amène ta petite copine voir. Ouais. Et là, quand tu le fais jouer, ben c'est... Ouais, c'est vrai, ouais. Ça aussi, on en avait parlé, mais... Il y a plein de choses. Il y a des astuces. Ouais. Le CD est mort. Ouais. Et enterré, c'est même le vinyle qui revient. Le vinyle revient, ouais. Ouais. On a sorti un vinyle. Oui, bien. C'est ça, il faut se remettre à la fine pointe. Ouais. Hey, j'ai 10 questions de la fin. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Alors, un liquide, je dirais le mercure. Oh! Tu vois comment c'est le mercure? Oui. C'est ce truc où quand tu mets une goutte, ça reste compact et ça se... C'est intéressant ce que j'ai dit. Oui, ça glisse sur le support. Oui, c'est comme du plomb. Ouais. Et à la fois c'est liquide, mais à la fois... Ouais, mais c'est solide. Oui. Et puis c'est beau, c'est argent, c'est beau. Et c'est le côté mystérieux qui t'aime aussi. Peut-être. Au tout cas, c'est mystérieux. Donc, peut-être. Si tu étais une ville... Une ville. Ah, une ville. Je serais Bonifacio en Corse du Sud. Oui, c'est la seule place que j'ai visitée en Corse. C'est vrai? Oui. Ah, c'est drôle. C'est magnifique, non? Ben, magnifique, oui et non, parce que lorsque j'y étais, on avait tué un Québécois. Oh, mais c'était quand? c'était il y a 2 ans. Mais sur le port? Pardon? Sur le port? Oui. Ah, cette histoire avec les restaurateurs, oui. Je me souviens de ça. Tu étais une langue, mais c'était pas moi, puisque. Ou alors c'est ton esprit. Le mystère de Rénal. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. L'anglais. Pourquoi? Mais t'as écrit quelque part en anglais? Oui. Et sur ton nouvel album? Oui, il y a des bouts en anglais. Okay. Pas beaucoup, moi, j'en ai écouté trois chansons. Ouais. Ok. Il y a des chœurs qui sont en anglais. En fait, on n'a pas cherché. Avant, j'écrivais toujours en français, mais là. On aimait bien laisser un peu notre esprit divaguer. Si ça venait en anglais, on laissait en anglais. On aimait bien ce côté. Alors, les fois, sont en français et les cartes sont en anglais. Pas toujours, mais ça peut arriver, ouais. Intéressant. Ouais. Bah, le cœur, c'est la voix, c'est l'âme. C'est, voilà, c'est, elle s'exprime, elle dit ce qui se passe. Et je dirais que les cœurs, c'est l'inconscient. Écoute, Leonard Cohen le sait très bien. Ouais. Le cœur de Leonard Cohen dans ses attentes. Ouais, c'est vrai. Si tu étais une époque. Pas celle-ci. Non. Les années 20. Ok, pourquoi? J'adore, mais parce que c'est l'esthétique. Les vêtements. L'esthétique, tout, les années 20-30, là. L'architecture. L'écriture aussi, là. L'écriture, l'élégance, la folie et l'élégance. Aussi le raffinement dans les années. Exactement. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot? Alors, c'est difficile à faire passer dans un mot. Moi, quand on me demande est-ce que tu as une philosophie de vie, tout ça, je dis toujours, il faut toujours essayer. Alors, un mot, résumer ça avec un mot, essayer. Ah, c'est bien ça. Il faut essayer. Toujours. Même si on se trompe, il faut essayer. Toujours. C'est on ne sait jamais. Exactement. Les trois points de suspension, avoir su, il ne faut pas le dire quand on... On est presque mourant, mais il faut le faire. Essayez. Si tu étais une saison. Une saison, je dirais. J'hésite entre le printemps et l'automne. Le début ou la fin? Bah, c'est la beauté de la nature en fait. Mais tu la vis? Je crois que ça serait plus l'automne pour la beauté de la nature. Les couleurs. Ouais. Les couleurs des arbres, des... Et ça en parle, hein? Ouais. Alors, j'aime bien l'été aussi, mais c'est un peu plus hard. Ouais. Ouais. Moi, c'est ma première belle journée de l'été. Là. Ah ouais? À Québec, c'est très froid. C'est vrai? C'est ouais, combien? 22. 22. Moins 22? Non, plus 22. Non, moins 22, c'est au mois de février-mars. Janvier, c'est moins 40. Ouais, je sais. Quand les narines collent. Les narines collent? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, ça, on ne l'avait jamais fait. Oui, quand c'est très, très froid, la nuit, 3h du matin, tu sors d'un bar et les narines te collent. Ah, c'est dingue. C'est hallucinant. Je ne connais pas. Moi, je suis très frileuse. J'adore, vraiment, j'adore Montréal, j'adore cette ville, j'adore le Québec, mais je sais que ça va être difficile si j'y vais en hiver, parce que je suis vraiment frileuse. Et en trio, c'est faisable. Mais mon label est en train de préparer une tournée. Hein. Ok, à suivre. Donc fais-nous signe, parce que nous, on adorerait revenir. J'essaie de les mettre soit au printemps, avril, okay. Enfin, à partir d'avril, soit à l'automne. C'est déjà bon, moi, d'avril, hein, c'est pas froid. Les narines collent pas. Bah moi j'étais venue l'année dernière en juin, il faisait un peu ce temps-là. Oui. Ah ben là aujourd'hui, cette année, là, on n'est pas sur le temps. Non. Donc, si tu étais un moment de la journée. Ah non, si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Mm-hmm. Non, il n'y a pas de problème. Non, je réfléchis. Ok, parce que j'ai vu un rictus, puis il n'y a pas de problème. Je dirais l'oreille. Attentive. Bah c'est mon. C'est ton côté psychanalyste. Ouais. J'adore écouter, j'adore analyser, j'adore. Je suis pas très bonne, je vois pas très bien. Pourtant j'ai pas une mauvaise vision. J'ai fait des checks, les yeux, les oreilles. Ça va, c'est un peu moins bon que les oreilles. Mais je vois pas du tout, je vois pas. C'est-à-dire que tu me dis c'est devant toi, c'est où? Je vois rien. Par contre, j'entends tout. J'entends tout et je peux te dire. Quelqu'un, je peux fermer les yeux, je peux te dire l'humeur, je peux tout détecter par l'oreille. Est-ce que tu es l'oreille attentive et est-ce que tu offres à tes amis des solutions où tu peux J'essaye. Oh, Errance Rinaldienne sur CKRL-NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. J'essaye, mais l'inconvénient de ça, c'est que comme j'écoute beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'écoutent pas en fait, je me rends compte qu'ils n'écoutent pas. Et quand je passe un dîner avec des gens, je dis mais oh là là, c'était chiant au bout d'un moment. Il me dit non, bah, je lui dis bah, tu sais de quoi on parlait ? Ah non, non, je n'écoutais pas. Moi j'écoute. Donc moi je peux dire, là c'était super intéressant, et là je me fais chier parce que là c'est pas intéressant. Parce que j'écoute, je trouve ça passionnant, les gens, ce que tout le monde a raconté, c'est génial. Mais par contre, l'inconvénient de ça, c'est que bah, je peux vite m'emmerder quoi. Ouais, aussi. Ouais, ouais, parce que tu écoutes, mais aussi tu analyses. Bah oui, parce que c'est, donc, ça m'a... ça peut être un peu... Ouais, ouais, exactement. Si tu étais un moment de la journée... Un moment de la journée, je dirais, ça dépend où je me trouve en fait. J'aime beaucoup quand je suis, bah, par exemple, au bord de la mer. Pour moi, le plus beau moment, mais c'est très cliché, c'est coucher de soleil. Avec un petit rosé. Oh là là, un petit rosé, un coucher de soleil, ouais, c'est ouais, une ouais. Merveille. Après, en ville, je dirais le matin. Ah, t'es une fille du matin ? Je sais pas si je suis une fille du matin, mais j'adore être avec mon chat le matin. Lui, tu vois, lui, je le prends dans mes bras. On regarde les oiseaux, je lui dis « Regarde, il y a un petit nid là !» Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Hein ? Est-ce qu'il veut les attraper ? Bah, il peut pas sortir. Ok, ah, il mais... est défoncé. Non, okay. Non, non, non, il m'a défoncé mon canapé. Ah oui, ah, okay. Non, mais si tu veux, il regarde et puis okay. Il est un peu mélancolique. Bon, là, il est parti chez ma mère, il est dans le jardin, ça va. Ok, alors il peut courir après. Ouais, ouais, ouais. C'est, ça me rassure. Ouais, ouais, ouais. Si tu étais un autre individu ? Ouf ! Dalai Lama. J'aimerais. Pour la représentation. Pour ce regard apaisé sur humaniste. La ouais humaniste et sur moi je fuis la violence, je fuis je suis très malheureuse dans ce monde parce que je trouve que tout est violent, je trouve que tout est les gens ne se respectent pas eux-mêmes, donc comment ils peuvent respecter l'autre? Moi je suis comme un animal en fait. Je suis comme un chat, j'ai toujours vécu avec des chats, je comprends très bien les chats et je me sens, je respecte autant un chat qu'un arbre, qu'un nuage, qu'un être humain. Pour moi tout ça c'est la même chose. Je fais pas de... C'est des êtres vivants ? Bien sûr, je fais pas de... il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de hiérarchie ? Non. Donc c'est quelque part, ça s'appelle, c'est un peu proche du bouddhisme, enfin... Je garde un chien, moi, et je le bourvoie. Pour le plaisir. Bah oui. C'est drôle. Mais c'est génial. Tout le monde est un peu subjugué. Bonjour monsieur, comment ça va vous? Là, mais oui, mais c'est le rapport qu'on a avec ouais, eux. Mais surtout le montrer plus élevé. C'est ça. Que... Je lui crée des vies, je le fais parler, je fais... Moi c'est pareil. Ah oui, mais c'est bien. Hein. C'est génial. Ça nous amène la folie à un état... Ouais. dernière question à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Est-ce que tu fais le même chemin? Est-ce que je ferai le même chemin? Oui. Ah, oui. Oui. Oui. Même s'il est pavé d'embûches. Oui, moi, le seul bémol, je trouve, c'est que je ne suis pas assez en contact avec la nature. Mais sinon, je suis née à Paris, j'aime être à Paris. Mais voilà, mon chemin, il n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il est compliqué. Mais... Tu cours pas après la facilité non plus, c'est pour ça. Il paraît, c'est ce qu'on me dit. Parce que sinon, tu serais dans la porte. C'est ce qu'on me dit, mais tu sais quoi ? On me disait ça et au début, j'y croyais, mais en fait, je me rends compte que je pourrais pas. Même si je voulais être dans un truc. Mais parce que c'est pas ma culture. Parce que moi, ce qui m'a parlé quand j'étais gamine, c'est Murat, c'est Dao, des trucs comme ça. En français, je parle, hein, je chante en français. Après, j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne, mais... Même gamine, j'étais touchée par des trucs, on va dire, c'était pas bon, Dao, après oui, c'était peut-être le plus populaire de tous, mais j'ai toujours écouté une musique assez spéciale, assez, voilà, alors j'ai essayé de proposer... Tes parents écoutaient Ferré, Brel, Brassens, Gainsbourg. Bah, mes parents écoutaient, aimaient beaucoup Brel, non, s'il y en a un que j'adore, on va dire, dans la vieille école, c'est Nougaro. Parce que Nougaro, il y a cette folie, cette poésie. C'est un poète. C'est un poète. Je l'ai rencontré à Québec. Quelle chance. Un vrai poète. Ouais, je l'ai vu en spectacle. Moi aussi, je l'ai vu en ce moment. Mon père m'a emmené le voir. Ah oui. C'est un poète. Enfin, c'était. Enfin, je dis c'est parce que. Il voilà. Encore, ouais. Il est encore à Toulouse. Danser sur moi, cette chanson, ah, elle oui, est incroyable. Oui, oui. De Toulouse. Quatre boules de cuir. Quatre boules de cuir, je l'ai interprétée dans ah, une oui. pièce avec Arnaud Catherine. C'était un truc sur la boxe. Il m'a dit trouve une chanson sur la boxe. Est-ce qu'on peut le trouver sur YouTube ? Je crois pas. C'est une pièce qu'on a fait à Genève. C'était à partir d'un texte d'Arnaud. Ça durait. C'était un spectacle pour enfants. Enfin, pour enfants de, on va dire, entre. Pas enfants tout petits, hein, à partir de 10 ans jusqu'à 14 ans. Okay. Et c'était sur l'adolescence, en fait. L'arrivée dans l'adolescence. Et voilà. Et en fait, il m'a dit trouve un morceau sur la boxe. Et je dis tout de suite, je fais quatre boules de cuir. Et là, il n'y a pas de barre d'audio qu'on diffuse ça. Non, c'est dommage. Ouais. Il faudrait demander à Arnaud. Peut-être qu'Arnaud a une trace de ça. Okay. Tu veux que je lui demande ? Oui. Et je t'envoie un message par Facebook. Facebook, oui. Peut-être il a ça. Ok. Et je rentre en communication avec Arnaud. Ouais, ouais. Ok, parfait. Parce que on l'a fait une fois, hein. On l'a joué une fois ce spectacle. Et tes projets à venir, tu prépares bientôt un film qu'on ne peut pas oublier. Alors, le film, moi, je ne suis pas dedans. Hein, okay, okay, ah non, non, non, non. Okay, je pense que le réalisateur, il va prendre des comédiens, okay, des chanteurs. Okay, je ne sais pas encore, le casting est en train de se faire. Mais. En tout cas, c'est la scène avec ce projet-là. Ah oui, oui. Okay. Oui. C'est, en fait, mon avenir, là, c'est les concerts avec Autour, jusqu'à, j'espère, l'été prochain. Et ensuite, répétition de Frère Animal 2 au printemps et début de la tournée Frère Animal 2 à l'automne 2016. Mais crois-tu que ça peut faire encore 3-4 ans? Je sais pas. Peut-être pas, parce que là, c'était 3-4 ans, parce que c'était la première fois. On avait eu des revues incroyables dans les journaux, à Télérama. Alors, vous attendez dans le deuxième, donc peut-être que ce sera un spectacle concentré. Ouais, puis ce qu'on aimerait, nous, c'est. On avait cherché à jouer à Paris au moins une dizaine de jours d'affilée. Okay. Pour vraiment entériner le côté spectacle. Tu vois, c'était de la musique, mais c'était d'abord aussi un spectacle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et aucune salle n'a voulu jouer le jeu. Donc, peut-être que celui-là. Peut-être que ça va se faire. Parce qu'il y a des belles salles à l'Européen, mais ça peut être. On a joué à l'Européen. Okay, okay, okay. On a joué, mais un soir. Okay. Mais ce qu'il fallait, c'est que pour faire venir la presse, pour faire venir tout le monde, il aurait fallu jouer pendant 10 jours, tu vois, comme une pièce de théâtre. Mm-hmm. Et ça, personne n'a voulu jouer le jeu, parce que c'était un truc hybride, c'était des musiciens, c'était, tu vois. Alors que. Peut-être aussi un peu cher. Ça, après, je sais pas, mais franchement, on s'adaptait quand il n'y avait pas beaucoup de moyens. Si l'endroit nous plaisait, on y allait, quoi. Donc, non, je pense que là, ils ont changé de tourneur. Peut-être que le tourneur va. Ça va être un gros, là. Donc, ouais. Il faut y croire. Bah, ouais, ouais. Il y a des tourneurs qui font ça comme un autre projet, mais il y a des gens qui sont vraiment aimants de leur travail, font en sorte de faire progresser ouais. l'œuvre. Ouais. Et en trouver des authentiques, c'est de plus en plus rare. C'est vrai. On cherche l'argent. Et c'est pour ça que là, moi, j'ai signé, tu vois, le label P-Box, chez qui je suis. C'est pas, à la base, c'est un tourneur. C'est pas un label. Enfin, ils ont un département label. Et plus cybernétique. Tu veux dire? Ben, ils font plus des ventes sur Internet. Alors, en fait, là, j'ai demandé les ventes, je sais pas. Nous, je sais qu'on est plus vendus en physique qu'en... Ok, ouais. Ouais. Mais eux, c'est d'abord un tourneur. Et ensuite, ils ont développé un petit côté label pour aider les groupes comme moi. Qui veulent tourner, mais qui veulent sortir un disque et qui, les maisons de disques, moi, tu vois, les maisons de disques, ouais, c'est bien, c'est sympa, mais personne n'a voulu m'aider pour faire le disque. Et eux, ils m'ont aidé avec des subventions, ils n'ont pas du tout d'argent, mais par contre, à l'aide de subventions, ils t'aident à finir ton projet. Et eux, vraiment, sont des gens, voilà, ça, c'est des gens, bah ouais, c'est des passionnés, tu vois, ils m'ont dit, si celui-là, si ça marche pas, t'en feras un autre derrière. Tu vois, des gens comme ça, aujourd'hui, c'est merveilleux, quoi. On n'en trouve plus. Bah voilà. Alors on les garde. Voilà. Valérie, merci d'être passée à mon émission. Merci à toi. Et c'était extraordinaire parce que moi je te connais depuis les débuts. Et revoir que tu représentes notre album après 10 années, je suis très très très content parce que j'ai écouté 3 pièces et c'est encore l'esprit d'Autour de Lucie. C'est ce qu'on me dit. C'est aussi enrichissant pour l'âme que pour le cœur. Ah merci, ça c'est merci. Un beau compliment. Merci beaucoup. C'est dommage, j'aurais dû t'amener le CD. Tu ben l'as, le CD? Non, mais c'est pas grave. Non, non, non, non, non, non, je vais aller télécharger, il n'y a pas de problème légalement. Défoncer mon canapé. Ah oui, okay. Non, mais si tu veux, il regarde et puis okay. Il est un peu mélancolique. Bon, là, il est parti chez ma mère, il est dans le jardin, ça va. Ok, alors il peut courir après. Ouais, ouais, ouais. C'est bien,

chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.